papier. Les oublier, les délaisser, les exploiter, les refouler. Du monde entier, laisser passer les clandestins. Toujours cachés, c'est leur destin. Ici, ailleurs et comme partout, on les rend fous. Laissez passer les sans-papiers, les déplacés de toutes les guerres, toujours violés, prostitués, mais révoltés. Laissez passer les clandestines, mariage faussé, toujours victime, les excisés, les violentés, mais révoltés. Donnons-leur au moins des papiers pour l'honneur et la liberté, égalité, fraternité, enfin trouver. Mettons fin à cet esclavage, douleur sans fin, c'est d'un autre âge. La peur de l'autre est révolue, on n'en veut plus. Laissez passer les sans-papiers, les oublier, les mépriser, les exploiter, les refouler. Du monde entier, accueillez tous les sans-papiers. De la place, il y en a assez. Fraternisons, réagissons, réagissez.